La grande réussite au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14 fait grande sensation chez les cadres des formations sous l'égide de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, Tsongyeon. Kim Yong-ju, président du présidium du comité central de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, Nam Ju-hyun, vice-présidente du présidium du comité central de l'Union démocratique des femmes coréennes au Japon, et Lee Yong-soo, président de l'Association des sociologues coréens au Japon, ont souligné que c'est la grande victoire réalisée par le dirigeant suprême Kim Jong-un qui continue la grande cause de renforcement des forces nucléaires des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il qui ont fondé et développé l'industrie de fusées originales afin de manifester dans le monde entier la dignité et la capacité de la puissance Baek Doo-san.